le meilleur de la scène blues, se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel avec le blues en live et en public. Francis, ce soir, c'est un groupe acidulé que nous recevons, un groupe au bon goût de bonbons sucrés, les Sugar Sweets. Le groupe s'appelle Elise and the Sugar Sweets. Et oui, Cédric, on va en déguster de ces bonbons, mais surtout c'est une formation à la saveur hautement pimentée de rhythm and blues, de soul et de blues, et qui délivre un son, allez, disons-le, organique et suave, grâce à la fraîcheur de sa jeune chanteuse, n'est-ce pas? Voici donc sur la scène du Blues Café, Elisa est au chant, Olivier Raymond à la guitare et au chœur, Olivier Ferrier à la batterie, son frère Jérôme Ferrier à la basse, et Sébastien Levato au clavier. Mesdames et messieurs, voici Elise and the Sugar Sweets. Once been a woman, and boy, don't C'est leur premier Blues Café Live. Elise and the Sugar Sweets, ils sont nos invités ce soir dans le Blues Café Live. Nous sommes, comme chaque mois, au Millennium de l'île d'Abo, c'est en Isère, et vous pouvez venir assister à ces émissions. L'entrée libre est gratuite. Bonsoir Elise, bonsoir Olivier. Bonsoir. On a un micro bonsoir. Pour deux, donc collez-vous joue contre joue. On va se partager ça. Bon, alors, évidemment, on va commencer par une question évidente. Pourquoi se donner au groupe le nom de bonbons sucrés Sugar Sweet? Bah, en fait, c'est toujours pareil. Un nom, c'est aussi une consonance. C'est plein de choses qui nous font vibrer, qui nous ont fait penser à l'Amérique, qui nous ont fait penser au blues. Et Sugar Sweets, bah oui, c'est les sucres d'orge. Bon, voilà, on était tous un petit peu enveloppés. On a trouvé que c'était assez sympa. Enveloppés? Liz n'est pas enveloppée. Non, je parle des musiciens, parce que les Sugar Sweets, c'est nous derrière. Et Liz, elle est toute élégante et toute fine. Nous, on est plutôt bien en chair. Donc voilà, c'est d'où ça vient. Et Liz, tu es jeune, pratiquement le même âge que Francis. C'est pour dire que tu es jeune. C'est peut-être pas sympa pour elle. Comment est-ce qu'on arrive au rhythm and blues, au blues, lorsqu'on a appris la musique par le violon au conservatoire de Nîmes, je crois, si mes infos sont alors, bonnes. Alors, en fait, j'ai fait un cursus de musique actuelle, donc j'ai vu un peu tout ce qui était rock, variété, etc. Et ensuite, je suis tombée vraiment par hasard sur ce groupe-là. Et donc, forcément, je suis partie. Je me suis laissée aller dans l'aventure, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert le rhythm and blues. Et la soul, et etc. Voilà. Non, parce que le chant, Elise, t'as déjà un lourd passé derrière toi, malgré ta jeunesse. Hein. Je crois que t'as été... Alors tu vois, on a plein de dossiers sur toi, Elise. Hein. T'as été chanteuse au sein d'un collectif de musique actuelle pendant 4 ans. Oui, je suis en chant lyrique au conservatoire du 18e. Voilà. Maintenant avec Sophie Hervé. Donc j'apprends, je suis toujours en formation. Comment s'est fait cette rencontre, Olivier? Comment est née ce... est né ce groupe. On a eu l'occasion de te voir par le passé dans d'autres formations. Comment est-ce que tu as rencontré Élise et comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer tous ensemble? Ben écoute, en fait, on a décidé avec les frangins, donc Olivier Ferrier et Jérôme Ferrier, de monter un groupe qui était plutôt orienté soul. Vous travaillez blues. Même les jours fériés, du coup. Ouais, du coup, on n'arrête pas. Ouais. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'on leur a fait un paquet de fois. Je crois qu'on peut l'applaudir tous, ouais, effectivement. Bon, ils sont pas au chômage, hein, je vous assure, je promets. Ni en grève non plus. Rappelons que cette émission a été enregistrée en mai, donc c'est vrai que voilà, une petite succession de jours fériés. Donc bon, là, donc pour revenir au sujet qui nous concerne, donc bah, en fait, comment s'est fait cette rencontre? Bah, tout simplement, je crois qu'on a on a cherché à monter ce projet. L'objectif était de monter un projet avec une chanteuse, donc on en a rencontré un certain nombre. Et puis je crois qu'avec Élise, il s'est passé un truc assez génial, c'est qu'elle est venue faire une première répète avec nous. Bah, ça a bien fonctionné, mais voilà, il fallait qu'on réessaye une autre fois, et on l'a rappelé juste deux jours après, en lui disant, bon, ben, on répète cet après-midi, ça te dit de venir avec nous, et elle est venue, et puis, ben, finalement, ça s'est très très bien passé, et elle a fait, voilà, quoi, un parcours incroyable depuis, et puis on vit une très très belle aventure depuis ce moment-là. Quoi. Donc, Élise, tu as eu chaud, hein, finalement. Alors, il y a quand même un point commun entre vous, parce que si toi, tu as fait un peu de violon, toi aussi. Oula! Olivier. Là, il y a dans une autre vie, oui. Il paraît, la rumeur dit que tu étais un grand violoniste classique. Alors, grand violoniste, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, j'en ai fait un paquet d'années, puisque j'ai fait ça jusqu'au premier prix de conservatoire. Donc, mais ça, c'était dans une autre vie. J'étais beaucoup plus jeune et maintenant, j'ai tout arrêté parce que je n'avais pas le temps. Donc, voilà. Et puis, bah, j'avais d'autres passions. J'avais envie de me mettre à de la musique plutôt improvisée et c'était plus vers le blues que ça s'est passé. Donc, voilà. Alors, tu as quand même, Olivier, aussi un beau parcours, puisque tu as fait partie, il faut quand même le dire, pendant 10 ans, du fameux groupe Shake Your Hips, avec Jean-Marc Hainaut, qu'on connaît évidemment très bien, puisqu'il est dans la région. Absolument. Et là, je crois que c'est à ce moment-là que tu as embarqué les deux frères. Hein. Ouais, exactement. En fait, ce projet-là, c'était un projet qu'on avait monté à l'époque avec Jean-Marc. Et voilà, on s'était dit, on veut monter un projet qui va autour du Chicago Blues, plutôt. Et puis, disons que Jean-Marc et moi, on est de très bons amis, donc on se connaît depuis très très très longtemps. Et on avait monté ce projet-là avec Armo, basse, batterie et chant. Et voilà, c'est une aventure qui a duré 10 ans, avec lesquelles on a fait des choses absolument fantastiques. Puisque on a fait de belles scènes. On a eu l'occasion d'aller à Memphis, de jouer à l'IBC, de jouer à l'European Blues Challenge. Donc on a fait vraiment vraiment un beau parcours à ce moment-là. Voilà, puis cette aventure, bah, elle s'est terminée il y a maintenant quelques temps. Et puis, voilà, c'était l'occasion de refaire une petite renaissance tout à fait sympathique avec quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus orienté soul. Et puis, de donner naissance à Élise and the Sugar Sweets. On a quand même aussi la sensation, en tout cas Cédric, comment on a eu la sensation d'une sorte d'osmose entre Élise et puis toi. Comment vous fonctionnez finalement tous les deux par rapport aux arrangements, au choix des titres? Alors, disons que des fois, Olivier a un riff à me proposer et moi, de mon côté, j'ai des textes et du coup, je mets ma mélodie sur ces riffs et voilà, et on en discute ensuite, on voit si sur le moment ça fonctionne et ça fonctionne assez bien en général, faut croire. Et puis voilà, on combine... Nos facultés, on va dire, nos qualités à chacun. Parce que tu écris des textes, c'est ça, dans le groupe? Oui. C'était un EP, 6 titres, qui était sorti précédemment. Je crois qu'il y avait beaucoup de reprises, puis quelques compos d'Olivier. Donc, c'est-à-dire que sur le prochain album, il y aura ton nom aussi entre exactement. Les parenthèses après les titres. Quoi. Exactement. D'ailleurs, sur cet album, on a noté qu'il y avait une chanson qui s'appelle Woman qui a été écrite par notre grand ami Bernard Selam du groupe Awake. Alors moi j'ai téléphoné à Bernard qui m'a dit je voulais pas le faire mais ils m'ont forcé, il m'a même dit Olivier il est plus costaud que moi, j'ai pas osé refuser. Je suis pas très sûr que je sois beaucoup plus costaud que lui toujours. Mais bon, enfin toujours est-il, ouais, Bernard c'est un très bon ami, on se connaît depuis maintenant un moment, on s'est rencontrés effectivement lors d'une occasion qu'on a eu avec Shake Your Hips de faire une scène commune. Et puis voilà, on a vraiment lié d'amitié tous les deux. Et Bernard nous avait un titre au fond d'un tiroir. Et ce titre-là, il ne le jouait pas avec Awake, pour être très précis, parce que ça ne leur convenait pas. Et moi, j'ai trouvé que ce titre-là, il avait quelque chose de très sympathique, de très frais, à la fois blues et soul. Et du coup, il m'a dit, écoute, tu peux l'enregistrer. On l'a enregistré sur l'EP, comme ça. Et c'est devenu un morceau qui fonctionne plutôt très, très bien. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais alors, dans ces cas-là, toi, Élise, quand on te propose un titre comme ça, qu'il faut que tu chantes dessus, il faut que tu puisses en accepter les mots, la mélodie. Et quand ça ne vient pas de toi, ce n'est pas forcément toujours facile. Mais disons que j'ai commencé par là à reprendre des chansons dont les textes n'étaient pas les miens, donc je me suis toujours adaptée à ce qui était dit. Et là, en l'occurrence, avec Bernard, j'ai le droit de modifier certaines phrases, certains mots. Voilà, pour le mettre à ma convenance. Woman, là, en l'occurrence, ça me concerne. Donc, Sur l'album, tu le disais, on le disait tout à l'heure, il y a des reprises. Il y a une artiste qui est assez impressionnante, j'imagine, quand on est une femme et qu'on chante, c'est Aretha Franklin. Il y a une reprise de Aretha Franklin. Est-ce que c'est vraiment une référence pour toi? Est-ce que c'est pas un peu impressionnant de reprendre une fille comme ça? Si, oui, c'est une référence et c'est aussi impressionnant de reprendre cet artiste, notamment Etta James également. Mmh. Il faut mettre de côté, je pense, faut s'approprier les chansons, la musique, et oublier des fois le premier interprète, tout en ayant un respect pour cette personne-là, pour cet artiste-là. Alors, cet album qui s'appelle When the Whistle Blows, un titre qu'on pourrait peut-être traduire par Au coup de sifflet, non ? Quelque chose comme ça. On sait qu'il a été enregistré live en studio en 3 jours. Ça voulait dire ça, justement, Au coup de sifflet, paf, on démarre, 3 jours après, c'est fini. En fait, c'était surtout histoire de marquer un nouveau départ dans une aventure, en fait. Et puis, voilà, le départ, un coup de sifflet, c'est le départ d'un nouveau train. Enfin, voilà, il y avait toute une image autour de ça, et ça nous convenait bien à tous de lancer ce nouveau projet avec ce petit EP qu'on a enregistré super rapidement, mais qui a été vraiment, qui nous a permis de faire déjà pas mal de jolies scènes, et puis qui va donner naissance à un prochain album. Alors, en attendant le nouveau CD, on va peut-être vous retrouver sur la scène du Blues Café, peut-être sur des titres qui seront le prochain album. Dans quelques instants, le temps pour nous d'écouter une découverte. On aime bien, dans le Blues Café, aller chercher dans les nouveautés des artistes qui peuvent coller aussi aux artistes qu'on invite. Et on a décidé de vous faire découvrir une fille, justement. Elle s'appelle Meg Williams. Elle vient de Nashville et ça se sent d'ailleurs dans l'influence country folk d'une musique qui reste quand même blues rock. Elle sort un nouvel EP, justement. On est encore dans les EP. Il vient juste de sortir. Elle s'appelle Maybe Someday. Il a été enregistré à Nashville par des musiciens de Nashville. Et il s'est rapidement hissé à la 10e place dans les charts aux États-Unis. C'est un titre que vous pouvez retrouver parmi d'autres sur notre web radio, Blues Café, la web radio que vous retrouvez sur le site bluescaferadio.com. On écoute Meg Williams avec You Let Me Down. Trying to reach you, and I can't. Retour ici au Millennium dans le Blues Café Live. Ils sont prêts, ils sont sur la scène du Blues Café. Elise and the Sugar Sweets. And the Sugar Sweets, ils sont dans le Blues Café Live. Sitting by my telephone, baby, we're feeling kind. Elise and the Sugar Sweets. Ils sont ce soir dans le Blues Café Live. Merci beaucoup. On les retrouvera dans un petit instant. On rappelle que vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur le www.bluesactu.com, un site sur lequel vous avez également toutes les informations sur la Blues Party, qui est un festival que nous organisons, Francis, moi, avec toute l'équipe du Millennium et de la ville de l'île d'Abo ici. L'occasion d'ailleurs d'en parler ce soir avec Gilles, qui est le responsable de la salle Le Millennium, qu'on n'entend pas forcément souvent au micro, voilà, mais qui est toujours ici et qui nous permet de réaliser ces émissions et ce festival. On rappelle la programmation, on va dire, officielle du festival. Puisqu'il y a un in et un off maintenant à la Blues Party, c'est un peu comme dans les grands festivals. Ça a lieu le 9 juin, il y aura Enzel Lister, Wax and Boogie Rhythm Combo, Sarah James Band, Chris Bergson avec Alice Hooks, ainsi que Malted Milk. Mais Francis, il y a aussi à côté de ce festival de nombreuses animations. Oui, ça c'est donc la grande soirée, si je puis dire, qui se tiendra dans les jardins du Millennium, et il n'y aura donc pas que cette soirée-là. Merci Cédric, merci Francis. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question, on s'est dit, bon, voilà, le Blues Café, on a voulu élargir les publics. Donc on a décidé avec l'équipe et la mairie de l'île d'Abo de faire un festival off, modestement, d'aller chercher d'autres publics. Donc on a décidé de faire ce lancement de ce festival qui se passera du vendredi 1er juin au jeudi 7 en mairie. Alors on va lancer vendredi une exposition sur l'histoire du blues. Alors on aura aussi, alors présent dans la salle, il y a Monsieur Poncet qui va nous faire une exposition, parce qu'en fait ce personnage discrètement prend des photos depuis quelques années du Blues Café et du festival. Il va exposer ce jour-là, et puis on aura en showcase, on aura Olivier Gauthier qui sera là pour ce vernissage de cette exposition. Voilà, donc on a voulu élargir nos publics de façon à aller chercher des publics aussi plus jeunes. Donc à la médiathèque le 6, mercredi 6, on va faire un concert de blues avec Jacques Bon, une conférence blues pour un concert jeune public qui se passera à 15h30 à la médiathèque de l'île d'Abo. Voilà, donc c'est toutes ces choses qu'on essaye d'ouvrir pour aller chercher d'autres publics, notamment des publics jeunes, de créer le lien entre les passerelles, voilà, de renouer, d'éduquer. Voilà, on est dans cet esprit-là d'aller chercher des publics éloignés. Voilà. Alors, l'exposition photo, si nous avons bien tous compris, c'est une exposition dont le vernissage se tiendra le 1er juin. Oui, tout à fait. Et l'exposition, naturellement, restera toute la semaine à la mairie. Hein, à la mairie, en mairie, de ville, ça sera mairie. Voilà. Et puis, les photos de Monsieur Poncet, comme tu l'appelles, Maître Poncet. Maître Poncet. Sont sur assez son arbre perché. Exceptionnelles. Les photos sont panoramiques, et elles sont assez exceptionnelles, hein, étonnantes en tout cas. Voilà, donc ce qui est intéressant, comme tu parlais des bénévoles qui sont vraiment une force vive et importante. Voilà, Monsieur Poncet, il vient, il a tout simplement bénévolement voulu travailler, exposer ses photos, et je trouve ça génial parce que du coup, il y a plein de gens qui sont en train de se greffer à ce festival, et je trouve ça très intéressant. Voilà. C'est bien que tu le soulignes d'ailleurs, et on peut en profiter pour remercier tous les gens qui sont ici aussi nombreux. On est encore plus de 100 personnes ce soir. Tout à fait. Il y a des gens, comme tu le dis, des passionnés de photos. Il y a Frédéric Foncet, il y a Thierry Monchartre aussi, tout qui vient régulièrement. Régulièrement, qui fait des photos, et on a eu déjà l'occasion de faire une exposition. Les photos sont d'ailleurs maintenant ici au Millennium. Et tu parlais de Jacques Bon. Mais Jacques Bon, on ne va pas révéler la programmation de la saison prochaine du Blues Café, mais Jacques Bon en fera partie, puisque c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et il y a une autre personne qui fera partie de la programmation et qui nous a fait l'amitié de venir ce soir, c'est Magic Buck. Voilà, je ne sais pas où il est, mais il fera également partie de la programmation du il prochain Blues Café. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc le vernissage, c'est en mairie, vous êtes tous invités. C'est à partir de 19h le 1er juin. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une belle soirée. Merci. Merci. Cédric, merci Francis. Merci à toi Gilles et merci encore un grand merci à toute l'équipe ici du Millennium et de la ville de l'île d'Abo. On rappelle pour ceux qui nous écoutent, notamment sur les autres radios et peut-être même notre propre web radio, que l'île d'Abo est en Isère et c'est pas très loin de Lyon et Grenoble. On va dire que c'est un peu à mi-chemin entre Chambéry, Lyon, Grenoble. Donc c'est facile de venir et on espère que vous serez encore vraiment nombreux. On va retrouver dans quelques instants Elise and the Sugar Sweets. Le temps pour nous de faire une petite pause musicale. Elle sera courte, 2 minutes, c'est un titre assez court. Mahalia Barnes and the Soulmates, son dernier album nous avait enthousiasmé avec Joe Bonamassa. On le retrouve encore là, Joe Bonamassa en guest sur ce nouvel album. Et parmi les guests, on retrouve également Kirk Fletcher, c'est un ancien guitariste des Fabulous Thunderbirds. On l'écoute avec Three Times. Mahalia Barnes, Elise, c'est pour toi, une playlist 100% féminine ce soir et son album vaut le détour. Alors, dans le groupe des Sugar Sweets, il y a un homme caché. Il y a un bonbon caché. Voilà, c'est souvent comme ça. Parfois, dans les albums, il y a un titre caché tout à la fin. Là, il y a un homme caché dans la formation, très discret, mais il est incontournable. C'est Xavier Alberghini qui est là. Je vous demande de l'applaudir parce que c'est le manager. Bonsoir. Et il fait, mais il fait aussi plein d'autres choses comme le café, par exemple, les courses, aller chercher la bière, accessoirement attaché de presse aussi, et puis il est même photographe. Donc c'est l'homme à tout faire. Bonjour Xav. Bonsoir Francis. Tu es reconnu, et je te l'ai déjà dit, dans le milieu blues par ton professionnalisme, et je rajouterai ta gentillesse. Aussi, t'ai-je bien défini avec toutes les définitions que j'ai données ? Avons-nous encore oublié un de tes talents ? Je te laisse cette gentillesse de me définir de cette façon, ainsi qu'à Cédric. C'est pas la première fois que je viens ici, la gentillesse, je vous la renvoie pour l'accueil que vous êtes capable de faire aux artistes. C'est ma deuxième fois au Blues Café avec un groupe différent. Et, la dernière fois, tu étais venu avec les Blues Power Band. Exactement. Qu'on salue, d'ailleurs. Voilà, donc oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Alors, comment ça se passe, justement, cette activité autour de Elise and the Sugar Sweets ? Eh bien, ça se passe merveilleusement. Tu les dresses, tu les... Merveilleusement bien. Oui, ça, j'imagine. Tes intérêts sont plus nombreux que toi. J'ai un grand gaillard à côté de moi, et t'as vu la taille de notre batteur, si ça se passait mal. ça serait pas très cool. Et puis, j'ai une merveilleuse chanteuse qui nous donne du bonheur tous les jours. Mais alors, concrètement, quoi, tu cherches les dates. Alors, tu les cadres un peu pour que tout le monde soit à l'heure. Alors, je suis pas tourneur. Je trouve des dates, je fais de l'organisation, je fais du management, je fais plein de choses en back office en fait, tout ce qu'on peut faire dans l'ombre d'un groupe. Est-ce que tu fais aussi un peu de développement, c'est-à-dire est-ce que tu participes un peu à l'élaboration des chansons qui vont être sur le nouvel album, par exemple ? Est-ce que tu as une intervention particulière ou là, il faut que tu te mettes dans ton petit coin et non, que tu te taises ? Non, c'est pas mon rôle premier, le directeur artistique étant Olivier. Moi, j'ai un regard que je peux donner. Mon rôle est plutôt de m'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux, recherche de dates... et tout ce qui est extérieur au côté musical. Comment s'est fait la rencontre entre vous ? Alors la rencontre, ça a été très simple. C'est Olivier que je connaissais depuis 10 ans via le groupe dont vous avez cité le nom tout à l'heure, qui est venu un jour me solliciter pour me dire, voilà, moi je travaillais avec Blues Power Band, on se connaissait. Et il est venu me voir pour me proposer de m'occuper du management du groupe. Je lui dis, écoute, je vais venir vous voir en concert et puis on en rediscute. Et le premier concert m'a complètement convaincu de travailler avec le groupe. Ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui que je vis cette belle aventure avec tout le monde. Bon, apparemment, il t'aime toujours, Olivier, puisqu'il veut te faire une bise. Alors, justement, on va parler avec Olivier et puis Élise maintenant. Donc, on a parlé de cette EP. Il faut parler aussi un peu du nouvel album qui est en préparation. Alors, il est en train de se faire et il va sortir quand ? Il est en train de se terminer. En fait, on a passé déjà une semaine en studio, en lockout, dans un merveilleux endroit qui est Studio Black Box, près d'Angers, qui nous a permis d'enregistrer vraiment les sons qu'on avait envie d'avoir. Ce côté de mélange de modernité au travers de la voix d'Elisa et un petit peu de côté vintage par l'intermédiaire de nos instruments, parce qu'on joue quand même sur des instruments relativement traditionnels et anciens. Voilà, on a enregistré ça, il reste que quelques petites choses à peaufiner, des chœurs à enregistrer par exemple, puis on espère qu'on va ressortir cet album-là pour le mois de juin. Donc j'imagine que vous avez déjà la pochette, vous avez déjà un nom par exemple que vous allez pouvoir nous dévoiler ce soir. Alors je peux pas vous dévoiler le nom parce que comme dans tous les groupes, il y a des discussions autour de ce sujet-là. Voilà. On peut peut-être mettre le public à contribution, on va voter si vous préférez taper 1, 2, 3. On pourra faire un sondage après si tu veux. Mais je vais pas lâcher le nom aujourd'hui parce que je suis pas capable de le faire. Bien sûr, il y a des projets de pochettes. On a commencé à travailler sur ces sujets-là. C'est évident, quand on arrive au bout de la création d'un album, voilà, les chansons sont enregistrées. D'ailleurs, dans cet album-là, je vais quand même le citer, il y a aussi Bernard Selam qui a composé quelques titres, dont on a interprété quelques morceaux ce soir. C'est décidément le second homme caché. Ah, je ne sais pas si c'est un homme caché. En fait, Bernard, il a des talents incroyables. On le connaît au travers de ce qui se passe au niveau d'AWEC, mais c'est un compositeur émérite sur un certain nombre de musiques qui n'ont pas forcément attrait directement au blues qu'ils font avec AWEC, mais des musiques plutôt associées, type la soul. Et voilà, il sait qu'on est dans ce créneau-là. Il nous a proposé, enfin pour être très honnête, il m'a appelé un jour, il m'a dit « Ah Olivier, j'ai écrit un titre, c'est sûr que c'est pour toi ». Mais il nous l'a donné genre 15 jours avant qu'on enregistre l'album, quoi. Donc grosso modo, on s'est dit bon, est-ce qu'on va être capable de le faire ? Bon, on l'a mis dessus. Donc on en est très fiers. C'est un très très bon titre. On vous donnera l'occasion de l'écouter dès qu'on vous fera parvenir ce CD là. Volontiers. Oui. Voilà. Et puis dans les artistes qui aujourd'hui ont contribué aussi à l'élaboration de l'album, il y a Sylvain Lansardière au clavier qui a fait aussi 3 titres. Voilà. Et bon, qu'on arrange toujours tous en groupe pour que ça donne une espèce d'osmose commune qui fait qu'on a ce son, comme tu le disais tout à l'heure, organique, quoi. Des compos, on le disait tout à l'heure, compos et reprises ou uniquement compos sur cet album ? Elisa. Uniquement des compos sur cet album. C'était, je pense, le but. On avait envie de peut-être un peu marquer le coup et donner une identité précise au groupe sans passer forcément par des choses qui avaient déjà été faites. Et se mettre un peu à l'épreuve aussi, se tester, je pense, là-dedans et confronter nos univers. Et ça a été quelque chose riche en expérience. Ouais. Alors donc, puisque l'EP avait 6 titres, cet album aura 18 titres pour rattraper un peu le retard. Et comme tu le disais, Olivier, il s'appelle Raté. J'appuie sur le buzzer, je ne sais pas. C'est courageux aujourd'hui de faire un CD, en tout cas, on sait que c'est un support qui sert souvent à caler les verres pour l'apéro sur les tables basses, mais est-ce que vous avez prévu, je dis ça en plaisantant, mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a très peu de voitures qui ont des lecteurs CD, est-ce que vous avez aussi prévu d'aller sur des supports un peu plus modernes, comme le vinyle notamment ? Alors, ça me fait toujours bizarre de dire que c'est un support moderne, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui se vend beaucoup, ou des supports aussi dématérialisés, la vente en ligne, Spotify, etc. Alors, j'ai souvenir que dans les années 50, ils avaient sorti des voitures aux US avec un manche-disque pour lire des vinyles. Mais il n'y avait pas les ralentisseurs à l'époque. Mais aujourd'hui, et les Dodan, ça marche moins bien. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Bah, ouais, honnêtement, on a réfléchi au niveau des supports. Le CD, ça reste toujours un support qui est très sympa pour les concerts, parce que les gens ils partent avec un souvenir. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais on a encore quelques EP pour qu'on pourra, avec lequel le public pourra partir ce soir, mais on a effectivement ce disque est quelque chose dont on a besoin, parce que pour les concerts c'est quelque chose d'indispensable. En soi, on sera aussi forcément sur toutes les plateformes de téléchargement, parce que c'est un média qui aujourd'hui est absolument indispensable. Et on aura, je l'espère, aussi un vinyle, parce que c'est quand même un superbe objet et qu'on va travailler et qu'on a travaillé la pochette en conséquence, sans en dire plus. On va vous entendre encore avec deux derniers titres. Le temps pour nous de rappeler tous les membres de ce groupe, parce qu'on n'en a entendu qu'une partie. Il y avait ce soir Sébastien Levato au clavier, Jérôme Ferrier et Olivier Ferrier qui travaillent même le 1er mai à la batterie. Et à la basse, il y avait Olivier Raymond à la guitare et au chœur, Elisa Hett au chant et Xavier Alberghini au café et à la cuisine, comme vous avez pu le constater. Elise and the Sugar Sweets. Just see him. I'm on fire, getting faster. L'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo, 100% blues. Ce blues café consacré à Elise and the Sugar Sweets touche à sa fin. Merci à tous, merci à Elise and the Sugar Sweets. Pas facile à dire hein, quand même. Hein. Non, et saluons aussi l'équipe de TNBO Organisation qui réalise les captations vidéo sur chacune de nos émissions. Des vidéos que vous pouvez retrouver ensuite sur notre site www.bluesactu.com mais aussi sur notre page Facebook, le Blues Café. Voilà, merci également au studio Magneto qui mixe ces émissions et merci à toute l'équipe. Du Millennium, vous pouvez nous retrouver sur le www.bluesactu.com pour écouter les podcasts et sur bluescaféradio.com pour écouter notre web radio. Merci à tous, on laisse la scène pour un dernier titre à Elise and the Sugar Sweets. Jump in the dark against my